Toujours en Corée, des secteurs de l'économie nationale ont remporté des succès le 1er janvier. Le complexe houillé du Hamgyong du Sud a accompli le plan plus élevé d'1,2 fois que l'année passée. Le ministère du Transport ferroviaire a accompli le plan à 104,6%.